En tout cas, voilà que la demoiselle Fargin, elle demande à ce que je vienne, et puis que je lui nettoie, que je l'aide à nettoyer, mais en fait, c'était pour que je le fasse moi-même, à nettoyer tout ce que les chats faisaient de sale. Elle avait au moins une dizaine de chats. Alors ma mère avait exigé que je fasse ça avec une pelle et un balai, que je mette ça dans le seau, et puis que je le descende, que je le vide, que je le remonte, et puis c'était tout. Mais qu'on ne me fasse pas passer une pièce par terre, qu'on ne fasse pas nettoyer ni rien. Et ma mère avait bien dit, surtout, tu touches rien d'autre que le balai et la pelle. Mais je savais que chez Fargin, il y avait un perroquet. Perroquet qu'on entendait, qui criait. Mais enfin, j'entendais pas bien moi ce qu'il disait. Et puis quand on est jeune, on a du mal à bien comprendre. Surtout un perroquet. Alors bon, quand je suis venu, c'était au troisième étage. J'ai fait mon petit nettoyage. Je ne pouvais nettoyer que les crottes que les chats faisaient partout. La pisse, il y en avait plein le parquet, alors on ne pouvait pas nettoyer ça. Et puis quand je suis remonté, la demoiselle Fargin, c'était une vieille fille, une ancienne chanteuse à l'opéra. Elle avait des disques, elle faisait écouter ses disques et tout ça. Pas à moi, enfin elle les faisait écouter à des gens, encore deux, trois amis qu'elle avait qui venaient. Elle les recevait dans une pièce sur l'arrière, sur le côté court. Tu as vu mon perroquet ? Alors, je l'avais vu en ramassant les petites saletés. Elle me demandait pas de ramasser les saletés en dessous le perroquet parce qu'il était sur un perchoir. Puis elle le sortait de temps en temps sur son balcon, toujours accroché à son perchoir. Alors elle l'a mis sur le balcon et elle m'a dit « Attends, tu vas voir comment il fait. » Alors je savais bien qu'il criait « Ah !» comme ça, mais je ne savais pas ce qu'il disait. Je savais même pas qu'il disait quelque chose. Et je l'ai entendu dire « Hé, hé, attends !» J'ai bien entendu. Attends. Et puis tout à coup, j'ai entendu dire merde, merde, merde. Alors hop, mademoiselle Fargin, vite, elle le prenait, elle le rentrait. T'as entendu, elle m'a dit. Il avait bien dit merde. Le soir, grande attraction à la maison. Je dis à mes parents, vous savez que mademoiselle Fargin, elle a un perroquet. Bien sûr. Et il crie. Oui, il crie, c'est vrai, oui. Elle le met de temps en temps, elle le met pas souvent. Moi, je sais ce qu'il crie. Et qu'est-ce qu'il crie? Je le dis. Ma mère ne voulait pas me croire. Elle avait entendu. Puis très rarement, parce que ma mère travaillait toute la journée, mon père toute la journée, et ce n'était qu'une fois, je ne sais pas quand, à midi ou à 2 heures de l'après-midi. Donc, et puis le perroquet était là depuis, je ne sais pas, 3-4 mois. Alors je remontais uniquement pour entendre le perroquet, mais elle ne le remettait plus sur le balcon. Moi, je rêvais dans mon coin de lui apprendre beaucoup d'autres mots. Mais dans l'appartement de Fargin, j'ai eu un problème. Les odeurs me brûlaient les narines et les paupières, et puis j'avais de plus en plus envie de tousser. Ça sentait... Elle-même, elle pissait un peu partout. Ça sentait... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Ah, oh, c'est un produit très fort. C'est pas de l'alcali, c'est quelque chose comme ça. Bon, je me souviens pas. C'était donc non seulement ces 10 chats qui libéraient tout, mais c'était elle-même qui ne devait pas toujours aller là où il fallait. Enfin, elle m'a fait un jour rentrer dans sa cuisine. Alors là, j'étais sans doute le premier de la maison à rentrer dans la cuisine. Il y avait qu'elle qui rentrait. Il y avait par terre 1,50 m de papier, des vieux journaux qui étaient là depuis 25 ans. Du linge qui était là aussi, pareil. Elle ne se changeait plus, mais il n'y avait pas de lessive. Depuis je ne sais combien de mois ou d'années, tout était entassé. Les odeurs, mais c'était bien pire que l'intérieur de la poubelle. J'ai dit à ma mère à ce moment-là, moi, je veux bien une fois par semaine aller nettoyer pour les chats, mais c'est tout.